Audiomatic. Audiomatic en est à sa transmission 104 et pour l'officialiser, nous vous avons présenté la musique de l'artiste ontarien Matt Chisholm, qui œuvre entre autres sous le pseudonyme ADC Bicycle, de qui on entendait la pièce In the Name of God, parue en 2006 sur le mini-album simplement intitulé EP. Audiomatic est un média. Les transmissions d'Audiomatic agissent comme relais pour les artistes qui utilisent la musique comme moyen pour transmettre des messages à leurs auditeurs. En ce sens, la musique ne transmet pas seulement des sons. Elle transmet des perceptions, par exemple sur la vie, la mort, l'humanité ou encore sur la société. Quant à nous, les électronistes, nous ne transmettons aucun message, outre notre appréciation de la musique, puisque nous sommes apolitiques et asociaux. Nous n'avons pas d'opinion sur la vie ni sur la mort. Nous ne nous intéressons pas à l'humanité. Nous ne prétendons pas pour autant être objectifs. Comme n'importe quel média, Audiomatic diffuse des opinions par le biais de la musique des artistes que les électronistes apprécient. Notre désintérêt est donc subjectif. Nous choisissons de présenter la musique de certains artistes plutôt que d'autres, ceux-ci ayant une vision musicale à laquelle nous adhérons en tant qu'électronistes. Et de ce fait, étant un média, Audiomatic véhicule à travers nos choix des perceptions et des réalités subjectives construites par les artistes. Il vous faudra donc être critique vis-à-vis des électronistes et d'Audiomatic, puisqu'un média n'est jamais objectif et que nos choix musicaux sont toujours subjectifs. L'artiste britannique Robin Story, avec son projet Rapoon, a d'ailleurs émis sa propre critique des médias à travers son album intitulé Media Studies. Écoutons à l'instant de cet album la pièce Ragazine.

Thank you. nous entendions Der Rock et sa pièce La Montagna dans une version remixée par le projet Loosed. Cette version ainsi que la composition originale se retrouvent sur le mini-album intitulé tout simplement La Montagna. Avant cela, c'était le projet San Ignacio qui émerge de la dynamique et toujours grandissante scène électro de Buenos Aires en Argentine. De son tout nouvel album Casioton Rosa, nous entendions la pièce Otacilia. Sachez que vous pouvez télécharger gratuitement cet album en allant sur la page Bandcamp du net label Casa Chaos, qui s'écrit C-A-S-A espace C-A-O-S. Et nous amorcions cette séquence musicale avec la pièce Ragazine du projet Rapoon. Cette pièce paraît sur l'album Media Studies, paru en 2011. Audiomatique peut être idéalement écouté en direct, comme vous le savez, les mercredis dès 17h sur les ondes de C'est fou, mais est aussi disponible en balado-diffusion par l'entremise de notre profil facebook.com/audiomatique-cfou ou sur mixcloud.com/audiomatique. C'est au tour du duo britannique Stratus de redonner la vocation musicale à Audiomatique. We'll be right back. Tout juste avant cet incident publicitaire à Audiomatic, le segment musical se concluait avec la collaboration entre le projet français Flint Glass et le projet belge Akamasots, qui nous présentait la pièce Zarim, tirée de la double compilation Access Code Labs. Précédemment, nous avions droit au projet français Ice Dana, mené par Vincent Villuy, et sa composition Opalin de son album Memory Shell. Et en amorce de séquence, le duo anglais Stratus, formé de Martin Jenkins et Matt Anthony, nous interprétait la pièce Uplink, sur laquelle on peut entendre le chanteur Howie Beck. Cette chanson est parue sur l'album Fear of Magnetism. La prochaine pièce est issue d'une collaboration entre le trompettiste franco-suisse Eric Truffaz et le projet Murkoff du compositeur mexicain de musique électronique Fernando Corona. Les deux ont collaboré pour composer l'album Being Human Being, qui mélange à merveille les sonorités synthétiques et les partitions de trompettes dans un style électro-jazz très contemporain. Voici leur pièce Human Being. C'était la pièce Human Being, composée conjointement par le projet Murkoff et le trompettiste Eric Truffaz. Cette pièce se retrouve sur leur album Being Human Being, paru en 2014, et qui est en fait la seconde incarnation de cette collaboration entre Fernando Corona et Eric Truffaz. La première s'étant matérialisée en 2008 par le mini-album intitulé Mexico. Puisqu'il est toujours préférable de contrôler la fin que de se la faire imposer, les électronistes sonneront le glas de cette transmission 104 d'Audiomatic en libérant la pièce Circuits de l'artiste danois Trent Müller, extraite de son tout dernier album Fiction. La transmission 104 d'Audiomatic n'est que la fin du début de la transmission 105 qui sera présentée en direct du studio de CFOU 89.1 FM mercredi prochain dès 17h. Entre-temps, n'hésitez pas à vous rendre sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou afin d'accéder à toutes nos anciennes transmissions d'Audiomatic. Vous avez aussi l'option de visiter mixcloud.com/audiomatic pour accéder à nos transmissions. Voici en guise de conclusion Trent Müller et sa composition Circuits.